Oui, allô? Oui, bonjour. Ça y est, je suis désolée, mais j'étais en rendez-vous et je devais absolument rendre en plus un dossier. Donc voilà. Non, mais j'avais appelé un petit peu tôt. De toute façon, on n'était pas, il n'était pas encore midi, donc pas de souci. Voilà. Donc vous aviez des questions à nous poser. Voilà, tout à fait. Ouais, sur donc le document dont je vous ai parlé, enfin dont on a, dont je vous ai parlé l'autre fois, là, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Oui. Donc il y a des éléments effectivement. Qui me paraissent, comment dire, pas qu'à moi d'ailleurs, hein, un petit peu particulier. Page 38, hein, donc on a déjà évoqué ça la dernière fois ensemble. Donc moi, mon but, c'est pas du tout hein, tirer à boulet rouge sur le planning familial, hein, c'est pas ça. C'est que j'aurais aimé, si vous voulez, connaître la position donc, du planning familial sur cette page 38, savoir si donc votre organisation émet des réserves par rapport à ce qui est marqué ou pas, et donc bien sûr après, libre à vous de remettre les choses dans le contexte. Hein, moi, je n'ai absolument pas pour intention de, comme vous me disiez l'autre fois, de sortir les choses du contexte. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque enfant, chaque jeune ait accès à une éducation à la sexualité, une éducation à la sexualité, bien sûr, en fonction de son âge. D'accord. Et pour nous, en fonction de son âge, ça veut dire que, de toute façon, la sexualité, et ça, vous en êtes, je suppose, d'accord comme moi, fait partie du développement de chaque personne. Et selon qu'on met des mots ou qu'on ne met pas des mots sur ce qu'on vit, quel que soit l'âge où on est, ça peut être un sujet tabou avec des représentations qui sont... on va dire compliqué à vivre après dans sa vie d'adulte. Voilà. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas, d'ailleurs, c'est absolument pas effectivement l'objet de mon appel. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Il faut effectivement... Enfin, il y a eu une époque où il y a eu beaucoup de... Enfin, à mon avis, des sujets tabous. Ça a créé des... Comme vous dites, des problèmes par la suite. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est pas du tout, en fait, Et donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que donc notre objectif... C'est pour ça que je pense que c'est important de resituer l'éducation à la sexualité dans un contexte plus large, parce que quand on parle d'une approche globale dès le plus jeune âge, je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots. Vous prenez l'exemple de la masturbation. Alors, justement, attendez, j'ai jamais appris à des enfants à se masturber. Par contre, vous savez comme moi que de toute façon, les enfants n'attendent pas les adultes pour se masturber. Mais que les mots sont posés à ce moment-là, ce sont importants. D'accord, je comprends bien. Pour que ce soit clair, on va se mettre bien d'accord. Moi, je vous parle donc de ce qui est préconisé par l'OMS pour les enfants de 0 à 4 ans, d'accord ? Donc oui. Pour les enfants de 0 à 4 ans, donc c'est bien marqué, on est d'accord, qu'il faut les informer sur le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Voilà, alors bon. Par rapport à ça, vous avez quand même vu avant tout le texte avant qui dit bien « en fonction du développement de chaque enfant ». Que ce n'est qu'une matrice et qu'à partir de ce moment-là, les adultes prennent en compte le stade de développement des enfants avec qui ils sont. Mmh. Et que les adultes s'appuient sur les questions ou sur les situations qui sont vécues au sein du groupe d'enfants. Vous l'avez vu écrit aussi, ça. Ça veut dire qu'on ne va pas aborder le sujet de la masturbation comme ça, de brut en blanc, en disant à un petit groupe d'enfants, aujourd'hui on va vous parler de la masturbation. Mais ça veut dire que, par exemple, si une situation de masturbation arrive dans la classe, on va pouvoir, dans la classe ou dans un autre lieu, on va pouvoir dire à l'enfant, mais tu vois, il y a des choses qu'on fait pas tous, qu'on fait pas devant les autres, par exemple. Oui, le genre de situation qui peut être vécue. Alors, je suis d'accord, peut-être, mais c'est pas du tout ce qui est marqué dans le texte, si vous voulez. C'est vraiment marqué qu'il faut informer les enfants sur la sexualité infantile, sur la masturbation. C'est pour ça que je dis que vous sortez cette page-là de son contexte. D'accord. Okay. Non, mais si je comprends. Vous lisez tout ce qui est marqué avant sur les standards, c'est effectivement comment est-ce qu'on construit dans l'éducation à la sexualité une notion, j'ai envie de dire, que nous on appelle citoyenneté sexuelle et qui est reprise ailleurs dans le texte. De faire en sorte qu'on puisse travailler avec les enfants sur comment on vit avec les autres, intégrant aussi cette question de sexualité, intégrant aussi la notion d'égalité entre les filles et les garçons, intégrant aussi le droit à la protection de son propre corps, parce que vous savez comme moi que les questions de violence sexuelle sont majoritairement vécues à l'intérieur des familles, et que pour des enfants, ça peut être important de savoir qu'on n'a pas le droit de toucher à son propre corps, au corps de l'autre sans qu'il soit d'accord. Que ah oui, non mais attendez, là-dessus, non mais madame, on est obligé d'accepter tous les câlins et les bisous de toutes les personnes. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Ça fait partie. Là-dessus, on est entièrement d'accord. Hein. J'ai moi-même été agressé à l'âge de 9 ans. Vous savez quand. quand certaines personnes, enfin même les institutions presque, faisaient l'apologie de la pédophilie. Hein. Donc je connais parfaitement, effectivement, il faudrait informer les enfants de tout ça. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est pas très clair. Mais bon, c'est justement un débat qu'on a. Donc pour vous, effectivement, c'est normal. Enfin, ça vous choque pas, voilà. Ce qui est donc. Non, ça me choque absolument pas. D'accord. Ok, très bien. Parce qu'effectivement, je suis bien dans l'optique de dire. Quand on dit informer, ça veut dire pouvoir répondre aux questions des enfants. D'accord, c'est comme ça que vous le lisez. C'est vraiment ça. Enfin, l'objectif, c'est vraiment, on part de chaque enfant, de son questionnement, et on doit absolument apporter des réponses claires aux questions que se posent les enfants. Alors, des situations qui sont vécues dans la classe aussi, parce que des situations d'agression, par exemple, ou des situations d'incompréhension, par exemple, peuvent être vécues au sein d'une classe, et c'est important de mettre des mots là-dessus. D'accord. On parle de mature. Vous mettez le point là-dessus, mais il y a vraiment, je pense. Alors, moi aussi, je vais vous. Justement, aussi, si vous voulez, je vous. Comment oui. Est-ce qu'on vit, par exemple, je prends l'exemple de se coiffer les cheveux, par exemple, hein, les petites filles qui jouent entre elles, ou des petits garçons, ou petites filles et petits garçons. Il y a des moments où ça fait plaisir, il y a des moments où ça ne nous fait pas plaisir du tout, mais qu'on n'ose pas le dire parce que c'est une copine ou c'est quelqu'un que j'aime bien. Et donc, c'est important de pouvoir dire ce qui nous fait plaisir et ce qui ne nous fait pas plaisir. Oui, oui, bien sûr, mais c'est ça dont il s'agit. D'accord. Non, mais moi, je vous dis. Il y a des enfants qui vont vous dire que ça leur fait bien, qui peuvent en parler en disant ça. Il y en a qui ne vont pas en parler. Et si on en parle, c'est l'occasion d'en parler et de dire, par exemple, effectivement, que ça ne se fait pas devant tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, dans la même case, en fait, c'est marqué aussi, donc toujours pour des enfants de 0 à 4 ans, il faut informer donc les enfants sur la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, dans la case sexualité. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, enfin... Bah, c'est une vérité, non ? C'est une vérité, simplement, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font D'accord. pas. Et à condition qu'on soit consentant. Et c'est pas du tout. Alors, je vous vois venir, là, vous dites. Ah non, madame, attendez, madame. Oulala, attendez. Non, madame, ne me prêtez pas des intentions que j'ai pas. Moi, je vous invite, donc, pour la vidéo que je suis en train de faire, à donner votre avis, à mettre le contexte. Moi, il n'y a rien qui sera coupé, hein. Tout sera dit comme vous le dites, hein. Il n'y a pas de problème. Là, vous êtes en train de m'enregistrer ? Ah bah, pour moi, après, vous voulez pas que je diffuse ? Je veux dire, là, vous m'appeliez pour oui. un contact ouais. téléphonique non, mais, et vous ne me prévenez pas à l'avance ouais. que vous m'enregistrez. Alors, en fait, madame, si vous voulez, moi, j'enregistre. Normalement, enfin, je ne sais pas, moi, ouais. ça m'arrive régulièrement ouais. d'être enregistré, ouais. mais on me demande mon avis avant. D'accord. Alors, madame, vous m'avez, je ne vous ai pas caché que j'étais réalisateur, vous m'avez rappelé, je vous ai dit que je faisais un documentaire. Ah, donc... Oui, enfin, vous m'avez pas appelé au titre de c'est... réalisateur, vous m'avez pas dit. Si, madame, c'est une interview, on était bien d'accord. Alors, madame, attendez, si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas donc que je diffuse ça. Si, vous pouvez diffuser, mais ce que je ah, d'accord. Ce que bah, voilà. pas très correct de votre part, et ça je oui. le dirais, c'est que vous m'enregistrez à mon insu. Mais de toute façon... Moi, ça m'arrive régulièrement hein, d'être enregistré, mais à chaque fois que ce soit des journalistes, des réalisateurs, etc., ils me demandent, est-ce que vous êtes d'accord ? Et là, par exemple, quand je vous disais que j'étais occupée, je venais de renvoyer une autorisation à être enregistré. D'accord. Donc, on s'était mal compris, c'est pas grave. De toute façon, madame, l'interview sera diffusée en intégralité. Donc, vous pouvez justement dire ce que vous voulez, c'est libre. Moi, j'ai pas de temps maximum sur ma chaîne. Hein. Je peux passer des vidéos qui durent le temps qu'il faut. Donc, je ne vais rien couper. Tout y sera, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous mettre les choses dans un autre contexte que je connais bien, puisque c'est principalement l'objet que je traite sur ma chaîne. C'est que la révolution sexuelle, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, en tout cas, même pas qu'en France, hein, a été suivie de très très près par le militantisme pédophile. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? D'accord. Hein, les rapports Kinsey, et puis bah, tous les... On va dire que la plupart des... Le rapport Kinsey, c'était pas simplement... Ah non, pas simplement, mais le rapport Kinsey... Le rapport Kinsey, ça a été aussi une façon d'analyser la sexualité humaine. Oui, oui, ça... Non, mais peut-être. Mais en tout cas, dans le rapport Kinsey, il y a aussi des tableaux qui parlent donc de soi-disant orgasmes d'enfants de très bas âge, que pour détecter ces orgasmes, il se base sur les cris des enfants. Enfin, vous voyez, c'est quand même des choses assez particulières. Mais monsieur, là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Là, on est. Non, mais madame, moi, c'est pour vous dire. C'est à des jeunes enfants, avec un objectif à la fois, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qui est vécu au sein d'un groupe d'enfants. sans que ce soit tabou, mmh. et d'autre part, avec la volonté aussi, et ça je pense que vous devez pouvoir le savoir, de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, parce que quand on travaille dès le plus jeune âge, mais aussi avec des collégiens et aussi avec des lycéens sur les questions de sexualité, ça s'inscrit dans des rapports sociaux de sexe, comme vous le savez, et que c'est vraiment important de pouvoir dire que des filles comme des garçons peuvent vivre une sexualité à condition de pouvoir être complètement consentant. Voilà. D'accord. Et non, mais ça. Avec des tout petits, on ne va pas parler de la sexualité humaine comme on en parle avec des adultes. D'accord. Et ça, je pense qu'il faut que vous sachiez. On ne va pas s'adresser à des petits en maternelle comme on s'adresse à des collégiens ou à des lycéens ou à des lycéennes. Non, mais tout à fait. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de permettre à des enfants qui posent des questions et qui s'interrogent aussi de pouvoir se protéger aussi d'un certain nombre de choses qui pourraient leur déplaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument important quand on travaille sur l'éducation à la sexualité avec des jeunes enfants. Et ça, je pense que c'est possible aussi de leur permettre d'échanger entre eux sur ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est absolument important d'avoir une connaissance de leur propre corps aussi, de répondre à des questions sur comment on fait les bébés, mais de faire en sorte de... Enfin, je veux dire, là aussi, non, mais... on n'est pas dans du magistral, on est dans un groupe d'enfants qui vont aussi pouvoir s'apporter des informations les uns les autres. D'accord. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Oui, je crois que j'ai bien compris votre point de vue. Alors, par contre, moi, j'ai eu... Vous êtes la seule... Du coup, ça leur permet aussi excusez-moi. De développer, j'ai envie de dire, des compétences psychosociales de relation à l'autre. Un truc tout bête qu'on fait avec des tout-petits, par exemple, c'est de pouvoir dire... que quand on parle, on écoute aussi l'autre. Et ça, ça fait partie aussi des compétences psychosociales qui sont développées. J'ai bien compris, mais voilà, on va... J'ai bien compris, hein. On va quand même revenir... Je pense que c'est quelque chose qui est absolument important. Si ça, c'est aussi de pouvoir savoir communiquer, de pouvoir respecter les règles, de pouvoir... Ouais. Enfin là, il s'agit... Oui, mais attendez, il ne faut pas non plus qu'on s'éloigne. Il faut pouvoir les gérer, pouvoir dire ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. S'il vous plaît, faudrait... Vous aussi pouvoir se respecter et pouvoir aussi respecter les autres. Je comprends. Maintenant, si on pouvait en revenir aussi, je dirais, au sujet de mon appel, parce qu'il ne faut pas non plus trop s'en éloigner. Je comprends votre position, mais il ne faut pas trop s'en éloigner. Alors, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est que déjà, vous êtes la seule à avoir accepté de me parler au téléphone sur ce sujet-là. C'est-à-dire que j'ai eu des gens... Quand j'ai appelé, si vous voulez, j'ai appelé beaucoup de plannings familiaux en France, et pas plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, je me suis fait taxer, soi-disant, d'harceler les gens, ce qui est absolument faux. Hein. Je peux prouver les relevés téléphoniques, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai appelé beaucoup de plannings familiaux en France. Déjà, les gens à la base, hein, ces bénévoles, ne connaissent pas ce texte. Pratiquement jamais. Je crois que j'ai jamais eu quelqu'un au téléphone qui connaissait l'existence de ce texte. Et pourtant, c'est un texte qui est donc, vous en servez de référence, vous le marquez dans un document du planning familial sur votre site. Et donc déjà, la question, c'est comment se fait-il que ces gens, à la base, ne soient pas au courant que vous vous basez sur ce texte ? Bah, écoutez, je ne sais pas. Enfin, les gens, ils n'avaient peut-être pas envie de vous répondre non plus. Hein. Ça, je pense que les gens sont distraits. Ah non, c'est pas ça, madame. Attendez, laissez-moi parler. Attendez. Non, ils me répondaient qu'ils ne connaissaient pas ce texte. Je ne sais pas qui vous avez eu et je ne sais pas. Enfin, alors, il y a autre chose aussi. À disposition. Alors, je crois que tout le monde n'a pas forcément lu ce texte de A à Z, parce que nous en avons fait, nous aussi... une lecture à partir de laquelle nous avons écrit un certain nombre d'arguments et nous avons... Enfin, je veux dire, c'est un texte qui a été adopté au niveau international, hein, vous êtes bien d'accord, et qui a été traduit en français en 2010, et à partir duquel nous avons travaillé effectivement sur un référentiel qui permet effectivement de voir comment on peut développer les compétences psychosociales des enfants. Nous avons des personnes qui sont formées régulièrement à l'éducation à la sexualité, parce que vous savez que pour intervenir en milieu scolaire, et pas seulement en milieu scolaire, il est important d'être formé sur ces sujets-là. Donc au planning familial, on forme les personnes à partir de ça. Et c'est vraiment important aussi que les personnes qui sont formées soient au clair avec leur propre représentation autour de la sexualité. Voilà. Alors après, toutes ces personnes, alors je ne sais pas qui vous... Non, mais là, c'est aucune, c'est aucune. J'ai appelé, j'en ai pas la connaissance. J'ai dû appeler une vingtaine, madame. Aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce document, avec d'autres associations, avec d'autres ONG, nous le partageons et nous le faisons connaître au sein de notre réseau. D'accord. Alors après, ce qui est intéressant, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des organismes, il y a des médias qui nient le fait que ce texte soit utilisé justement par l'éducation et le planning familial. Comment ça se fait ? Bah, j'ai entendu des organismes qui niaient l'existence, l'existence des médias. Mais je vais y arriver. Ce qu'on fait au planning, c'est pas, je veux dire, c'est un texte. Non, mais ça a l'air de. Ça veut pas dire qu'on le suit au pied de la lettre. Enfin, je veux dire, réfléchissez un petit peu. On est dans une attitude où on forme des personnes à pouvoir interagir avec des enfants. C'est pas une bible non plus, mais c'est un document de référence intéressant sur les postures et sur les contenus en fonction du développement des enfants. D'accord, mais vous m'avez quand même dit... Auquel on fait référence. Vous m'aviez bien... C'est un des premiers documents qui a permis d'avoir une approche, j'ai envie de dire... Mais vous m'avez bien dit quand même... De la façon d'aborder... D'accord, les donc oui, vous m'avez bien dit d'ailleurs que... Mais vous m'avez bien dit que... C'est repris d'ailleurs oui, par l'UNESCO, si je peux pas, donc, si je peux parler, c'est un document de référence. Si je peux parler... Nous basons aussi nos formations. Si je peux parler, vous m'avez bien dit qu'il n'y a rien qui vous choquait... Pardon, il n'y a rien qui vous choquait dans ce texte, on est bien d'accord. D'accord, donc voilà, donc vous vous en servez bien de référence. Il n'y a rien qui vous choque, ça veut dire que vous y adhérez. Oui. D'accord, non, mais moi je veux que ce soit très clair, si vous voulez, par rapport à ceux qui regardent mes vidéos. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Pourquoi vous avez effacé apparemment la page, justement, qui, sur ce référentiel où vous dites que cette page. Vous dites que sur une page sur Internet, sur votre site. Donc, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, vous en servez de référence. Et là, quand je clique sur le lien, la page a été enlevée. Enfin, ce PDF a été enlevé. Donc, le PDF, le titre, c'est « Éducation à la sexualité, l'approche d'un mouvement émancipateur ». Il n'est plus sur votre site depuis quelques jours. À mon avis, vous faites une erreur parce que c'est un document qu'on vient de réaliser. Donc, justement, il est sur notre site. On l'a fait et il vient d'être mis en ligne au mois de septembre. Alors là, moi, j'ai le lien exact que j'ai... Alors que je n'ai même pas eu besoin de recopier puisque je l'ai envoyé à Pauline Coiffard, qui est chargée de communication au planning familial de Grenoble. Le lien, il était bon, il marchait très bien, et là, il marche plus. Là, je l'ai sous les yeux. À mon avis, il y a un problème technique parce que ce document, il est tout à fait accessible et on le diffuse très largement. D'accord. Donc là, vous allez le trouver sur le site du planning. Vous allez le trouver dans plein d'endroits. Ouais, je vous annonce. Je suis désolée, ce document justement. D'accord. Non, mais pas de souci, pas de souci. Ouais. Très récemment, justement, pour faire un petit peu la synthèse du référentiel sur l'éducation à la sexualité au planning. D'accord. Voilà. Non, je disais ça aussi parce que suite à une de mes vidéos, si vous voulez, l'Académie de Grenoble avait retiré un texte justement qui faisait référence aux standards de l'éducation sexuelle en Europe. Et donc, on ne pouvait plus le trouver après sur leur site, si vous voulez. Donc, bon, voilà, je préférais quand même vous demander. En tout cas, moi, j'arrive pas à y accéder. En tout cas, nous, le document éducation, puisque vous parlez de ce document-là sur notre site, éducation à la sexualité, l'approche d'un mouvement émancipateur, est un document du planning familial que nous revendiquons, qui a été fait par le planning familial récemment et qui est accessible. Voilà. Ah oui, tout à fait, ouais. Non mais ça, moi je l'ai vu, donc c'est bien que vous me le confirmiez. Et c'est d'ailleurs marqué effectivement que les standards de l'OMS sont une référence pour les séances d'éducation à la sexualité mouvement français, de l'UNESCO. Voilà, d'accord. Non, mais c'est très bien. Parce que si vous voulez, on a tellement entendu de choses dans les médias où il y avait des négations de tout ça que bon. Voilà, donc c'est bien. Écoutez, je crois que j'ai eu pas mal de. Je pense que vous avez répondu à peu près à toutes mes questions. Il y a eu par exemple une indication, donc du coup Pauline Coiffard finalement a préféré ne pas m'avoir au téléphone suite au texte que je lui ai envoyé, donc c'est pour ça aussi que je vous dis apparemment il y a pas mal de gens qui sont gênés. J'ai aussi eu d'ailleurs des gens au planning familial qui ont regardé ce texte que je leur ai communiqué, qui étaient choqués. Ça c'est arrivé aussi. Je ne connais pas personnellement Pauline Coiffard, donc voilà. Ben vous êtes la seule, je vous dis, à avoir accepté de me répondre. Voilà. Voilà. Bah écoutez, monsieur, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Oui. Attendez, j'avais peut-être une. Mais vous venez, vous êtes j'ai plusieurs personnes. Ouais, d'accord. Non, mais je crois que c'est à peu près bon. Voilà. Effectivement. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir.